Bonjour, bienvenue sur Radio Gamozo, ravi de vous retrouver dans l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. Je continue comme toujours à décrypter les expressions qu'on utilise et aussi les questions qu'on se pose souvent, mais qu'on n'ose pas la poser devant tout le monde. Drôle d'expression et questions délirantes, épisode 11, c'est parti. Tout de suite une expression. Le marchand de sable est passé. Avoir sommeil. Le marchand de sable est un personnage mythique qui versait du sable sur les yeux des enfants pour les endormir. L'expression « le marchand de sable est passé », c'est ainsi que sa variante, encore plus enfantine, « le marchand de sable a passé et a attesté au XVIIe siècle » signifie « avoir envie de dormir ». Comme les picotements liés au sable donnaient irrésistiblement envie de fermer les yeux et par extension de s'endormir. Avoir du sable dans les yeux est une représentation de ce que ressentent les personnes souffrant d'irritation de la conjonctive. Cette sensation qui donne l'envie de se frotter les paupières fait partie des signes précurseurs du sommeil comme les bâillements, les clignements des paupières et le manque d'attention de l'environnement. Les déclenchements de ces phénomènes familiers de l'endormissement apparaissent de plus en plus complexes aux yeux des neurologues. Non seulement le mécanisme de l'endormissement met en jeu de nombreuses substances qui stimulent ou diminuent la vigilance, mais il dépend aussi de l'hérédité. Il y a des familles de grands ou de petits dormeurs et du mode de vie. Le passage du marchand de sable est une allégorie intéressante puisque les signes précurseurs du sommeil comme les bâillements sont contagieux. Cela donne donc l'impression d'une action extérieure simultanée sur plusieurs enfants. En revanche, cette période propice ne dure qu'une quinzaine de minutes. Passé ce créneau favorable, l'envie de dormir disparaît. Le mécanisme du sommeil est d'une grande complexité. Un peu de sable permet de s'endormir, mais un seul grain de sable peut enrayer la belle machine. Bonne nuit les petits. C'est en 1962, grâce à l'imagination de Claude et de Christine Ledu, le marchand de sable apparaît pour la première fois sur les écrans de télévision, accompagné sur son nuage blanc de gros nounours qui va s'occuper pendant de nombreuses soirées de coucher Nicolas et Pimprenel. C'est le moment de la question un peu délirante. Pourquoi le bac commence-t-il toujours par la philo ? Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé, disait l'écrivain Eugène Ionesco. Et c'est bien un problème de temps qui explique que la philosophie soit systématiquement la première épreuve du bac. Ça n'a d'ailleurs pas toujours été le cas. Si vous avez passé votre bac avant 1970, vous savez de quoi je parle. Avant cette date, c'était l'épreuve de français qui donnait le coup d'envoi du bac. Mais en 1970, le bac français a été programmé en première, et non plus en terminale. Une question très pratique est entrée en jeu. Pour que la philo soit en premier. Cette épreuve est universelle. Tous les lycéens et toutes les filières la passent. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de copies à corriger. Or, il y a peu de professeurs de philo par rapport aux autres matières. On a donc placé la philosophie tout en début du bac, afin que les profs aient davantage de temps pour corriger les copies. C'est le moment de détente. Ayant assez duré, vous avez 3 heures pour commenter la citation d'UNESCO, que j'ai dite il y a un instant. Pour ceux qui m'ont bien écouté, ça va, je plaisante. Et je profite à dire merde à tous ceux d'entre vous qui passent le bac cette année. C'est l'heure de la question bonus. Que signifient les taches blanches sur les ongles ? Il est assez commun de voir apparaître parfois des petites taches blanches sur ses ongles. Je vous rassure tout de suite, ce n'est ni dangereux ni grave. Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est tout simplement une petite lésion d'une minuscule blessure de l'ongle dont la tache blanche est un genre de cicatrice. D'ailleurs, sachez que si vous la découvrez alors qu'elle se situe déjà au milieu de votre ongle, au rythme duquel les ongles poussent, cette blessure date il y a quelques mois. Il ne s'agirait donc pas d'un manque de calcium comme on le dit souvent. Pour les faire disparaître, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, à part attendre que l'ongle pousse pour couper cette partie ou appliquer du vernis très foncé pour la camoufler. Ces taches étant la trace de cicatrices de guerre pour vos ongles, soyez fiers de vos mains qui sont de véritables héroïnes. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite sur Radio Gémozo. Passez une belle journée. Salut!